Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 10 mars. Et en voici le sommaire. Libération ce vendredi de 16 enfants de la prison d'Omourengue, des enfants en conflit avec la loi. C'est la libération par grâce présidentielle qui se poursuit, a précisé Melorantine Kanyana, ministre de la Justice. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni ce jeudi a évoqué un éventuel quatrième mandat du président Pierre Nkurunziza, mais l'ambassadeur Shingiro a précisé qu'il n'a jamais parlé de quatrième mandat. 7 sur 13 parmi les représentants des étudiants de l'Université du Burundi ont démissionné depuis hier. Ils accusent le président de la représentation générale des étudiants de ne pas défendre les droits d'autres étudiants. Celui-ci rejette en bloc toutes les accusations. Les 3 enfants sont hospitalisés en province Ngozi après avoir été mordus par des chiens errants et le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage conseille aux détenteurs de ces chiens de les tuer au lieu de les laisser errer. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. À la présentation, Mireille Kanyang et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu ce jeudi est revenu sur un éventuel quatrième mandat de l'actuel président burundais. Ah, selon le site des Nations Unies, l'ambassadeur burundais à l'ONU, Albert Nshingiro, a rejeté l'idée que le président burundais n'a jamais mentionné l'idée de se présenter une nouvelle fois pour la présidence du Burundi. Il était avec Joseph Nsabiabandi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Burundi de ce jeudi a vu la participation du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies et le facilitateur Benjamin Mukapa. Comme on le trouve sur le site des Nations Unies, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies a estimé que la tentative du président du Burundi de briguer en 2020 un quatrième mandat sous réserve d'une réforme constitutionnelle risquerait d'intensifier la crise dans le pays et d'accroître l'isolement international du Burundi. Devant le conseil de sécurité, M. Ben Omar a évoqué que la situation des droits de l'homme est préoccupante. Selon lui, elle est marquée par des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées. Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies aura mentionné que 210 cas de disparitions forcées ont été signalés entre octobre l'année dernière et janvier 2017. Le même site des Nations Unies indique que l'inquiétude du conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies sur l'idée du quatrième mandat du président burundais a été rejetée par l'ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies qui a vu dans l'évocation du quatrième mandat le signe d'une politique de deux poids, deux mesures à l'égard du Burundi. La question d'un quatrième mandat n'a jamais été évoqué par une autre autorité de l'ONU pour des cas de quatrième, cinquième, sixième, voire même septième mandat ailleurs dans le monde, s'est-il étonné. L'ambassadeur du Burundi à l'ONU a également rappelé que le phénomène des disparitions forcées était une menace globale et qu'aucune nation n'était épargnée. Selon lui, le chiffre de plus de 200 cas de disparition forcée a été établi sans preuve et sans enquête sérieuse. De son côté, le facilitateur aura regretté qu'il avait demandé au gouvernement burundais de suspendre les mandats d'arrêt émis à l'encontre de certains acteurs politiques influents pour qu'ils puissent se rendre à Arusha, mais sans succès. L'ancien président de la République unie de Tanzanie, Benjamin Mukapa, a déploré que les protagonistes burundais, chacun, considèrent la partie adverse comme un ennemi. Le délégué de l'Uruguay, qui a pris aussi la parole, à l'instar du facilitateur, a prôné le dialogue pour mettre en œuvre l'accord d'Arusha, sous peine de voir réduite en ayant plus d'une décennie de consolidation de la paix. Joseph Nsabiabandi, toujours page politique. Le président de la Chambre haute du Parlement demande à la Commission du dialogue inter-burundais CNDI de s'entretenir avec le facilitateur Benjamin Mkapa afin d'éviter le chevauchement dans la mise en œuvre de ce qui sortira des deux équipes de dialogue. Réverien Dikuriyo l'a dit ce jeudi lors de l'atelier d'échange organisé par cette commission à l'intention des parlementaires burundais. Suivez-le, il est traduit en français par Charles Makoto. Il y a un dialogue interne qui touche à sa fin, mais également il y a un autre dialogue en cours pour les Burundais de l'extérieur qui se tient à Arusha. Il me semble que vous êtes en train de travailler chacun de son côté, alors que vous travaillez pour le même pays et un même peuple. Arusha a son propre programme. Pourquoi ne pas échanger avec la facilitation de Mukapa si l'agenda des discussions dans le souci d'harmonisation du contenu? La population est souveraine en matière de démocratie. Si vous faites des choses contraires à sa volonté, elle peut refuser l'application. Alors, par quelle voie donc cela pourrait être mis en œuvre? Il faut être franc en disant la vérité pour ne pas créer des problèmes. Raison pour laquelle je demande que la commission aille s'entretenir avec Mukapa afin de travailler sur les vraies aspirations du peuple. Parlons encore changement de la constitution. L'UNELOP, une des organisations de la société civile au Burundi, demande l'amendement de certains articles de la constitution et la mise en place du fonds organisation des élections de 2020 dans un atelier d'échange organisé par UNELOP ce vendredi à l'intention de ses représentants provinciaux. À certaines organisations de la société civile invitées n'épousent pas l'idée de cette organisation sous l'amendement de ce texte pour l'association pour la jeunesse Agina. La période n'est pas propice pour la révision de la constitution. Placide Niomungere a été dans cet atelier. Voici son reportage. UNELOP trouve que certains articles du texte fondamental sont obsolètes. Pour Gilbert Bekonjangwa, même les postes de vice-président de la République devraient être remplacés par le Premier ministre. Il apparaît donc clair que la Constitution contient aujourd'hui deux dispositions contradictoires, à savoir les articles 96 et 302. Cette contradiction justifie ainsi la nécessité d'amendement de cette Constitution à ce niveau. De même, les articles 122 à 128 parlent des deux vice-présidents de la République, mais nous constatons que ces deux postes ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Nous proposons de réintroduire le poste de Premier ministre en remplacement de ces deux postes. L'association des jeunes pour la non-violence active, Agina, invitée dans cet échange en qualité de société civile, ne partage pas d'avis sur l'amendement de la Constitution. Pour Jean Douimana, le climat n'est pas sain pour parler de sa révision. La période qui prévaut aujourd'hui n'est pas propice pour passer à l'amendement de la Constitution. Il faudrait à ce que les Burundais d'abord soient libres, soient tranquilles, parce que ça constitue, autrement dit, une vie tout entière d'une nation. Il ne faut pas que les gens soient zappés pour penser à amender ou à faire quoi que ce soit. Il faut que tout le monde vraiment soit concerté. Pour Gilbert Bekonjangwa, cette révision de la Constitution permettrait la mise en place d'autres textes et lois pour les élections suivantes, dont il propose le Fonds d'organisation des élections 2020. À la question de savoir si les Burundais ne risqueraient d'être incapables d'alimenter ce fonds faute de misère, Gilbert Bekonjangwa ne le conçoit pas ainsi. Les Burundais sont riches, souligne-t-il. Les Burundais sont très riches, mais ils ne le savent pas. Il n'y a pas de pauvreté, il y a seulement un manque d'organisation. Il ne faut pas accepter que nous sommes pauvres. C'est une façon de nous marginaliser, pour nous empêcher à vivre comme des hommes dignes. Selon UNELOP, ce fonds d'organisation des élections 2020 devrait être instauré à partir de l'année en cours. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice de ce journal, libération ce vendredi à Rumonge de 16 enfants en conflit avec la loi. Ils sont venus des centres de rééducation de Ngozi, c'est au nord de Rumonge, au sud du pays, et de Ruigi, c'est à l'est du Burundi. Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, a indiqué qu'il s'agit de la mise en place de la grâce présidentielle qui se poursuit et a annoncé que l'un de ces centres va bientôt accueillir les enfants de la rue pour une formation patriotique, puis une intégration dans les écoles. Quant à Jacques Nshimirimana, président de la Fédération nationale des droits de l'enfance au Burundi, FENADEB, il a demandé que les élèves qui ont fait des gribouillis sur la photo du numéro 1 burundais soient définitivement libérés.